L'élaboration d'une conscience continue. La conscience continue provient du double et elle s'accentue de plus en plus lorsque l'homme est en mesure d'intégrer sa source. La source à laquelle l'homme génère son énergie devient avec le temps sa conscience prépersonnelle. Une conscience prépersonnelle s'établit dans le contact télépathique avec la lumière afin de dissocier l'ego de sa réalité astrale complètement. Lorsque l'ego commence à vibrer par lui-même sa conscience cosmique, il est en puissance de devenir, parce qu'il peut intégrer à sa réalité la vibration de son double complètement. Il s'installe alors dans la conscience du double une conscience continue, puisque cette conscience ne fait pas appel aux mémoires d'âme ou à aucune mémoire pouvant soustraire l'ego à la réalité de savoir. L'ego sait tout le temps, et parce qu'il sait tout le temps, cet ego, il est en mesure d'intervenir sur la vie d'une manière beaucoup plus froide. Et dans cette froideur continue de la conscience de l'homme en devenir, il y a toujours la possibilité pour l'homme de se réinventer. Comment se réinvente-t-il sans cesse? Il se réinvente dans sa capacité à faire une lecture beaucoup plus grande des pièces de théâtre qui sont orchestrées devant ses yeux. L'une des plus grandes pièces de théâtre de l'homme dans la matière aura été celle et est toujours la suivante, de penser qu'il pense, et en pensant que l'ego pense qu'il pense, il se donne une vie alors personnelle, qui est liée à de la personnalité, mais non à de l'identité, pour établir une conscience prépersonnelle dans l'ego. Car une conscience prépersonnelle, cela veut dire que l'ego est en mesure de se dissocier de l'astral, et qu'il est aussi en mesure de parler avec l'invisible en tout temps. Lorsqu'une conscience dans la matière peut parler à l'invisible en tout temps, que se passe-t-il? Elle en vient, cette conscience, à se dédoubler, c'est-à-dire que la vie matérielle qu'elle connaît, parce que sa conscience l'habite, est beaucoup plus fluide et facile à intégrer, puisque les oppositions ou les pièces de théâtre orchestrées par la programmation d'âme n'interviennent pas sur la capacité vibratoire de l'ego à se mettre en vibration pour se générer dans sa vie. Lorsque l'ego est malmené dans sa programmation d'âme, cela veut dire qu'il y a encore de la crainte, et c'est pour cela que l'ego ne peut pas se dédoubler sur les plans de la lumière et ainsi transmuter les énergies de l'âme à un niveau si élevé que celle-ci le laisse froid lorsque les événements se produisent, parce que sachant qu'un événement dans la matière qui se produit en lien avec sa conscience doit forcément non pas l'assujettir, lui, à l'expérience, mais le rendre totalement scient de l'expérience. On est scient seulement lorsqu'on est froid et on est omniscient lorsque l'événement ne crée aucune interférence dans son mental pour que l'astral se rapproche de sa conscience. C'est pour ça qu'une conscience prépersonnelle est toujours impersonnelle de sa propre vie. Impersonnelle de sa propre vie parce que l'ego voit très bien qu'une pièce de théâtre menée par les forces de la lumière pour le faire évoluer ne fait résonner en lui que sa colère et sa haine contre l'abomination de être dans la matière un être inapte à savoir universellement que les énergies de la créativité qui l'ont fait naître doivent être aussi descendues dans la matière. Lorsque l'homme comprend que tout ce qui est orchestré par les plans de la lumière vise à l'émergence de cette réalité créative dans l'homme, il comprend incessamment qu'il y a toujours un décalage possible entre sa conscience et ce qu'il doit vivre dans la matière pour équilibrer sa vie. Assurément, le principe prépersonnel d'une conscience n'élimine pas dans la conscience de l'homme la possibilité d'être bien dans sa peau tout le temps. Ce bien dans sa peau se transpose de plusieurs façons puisqu'il est en lien avec ce que l'homme sait et aussi en fait ce que l'homme peut créer dans sa conscience pour se donner de la liberté et ne pas être assujetti à des pièces de théâtre qui voudraient peut-être le rendre inapte à se construire une identité cosmique. Les forces de la lumière dans le prolongement de l'évolution sur la Terre ont assuré ceci. Ils ont assuré que l'homme, lorsqu'il serait scient, il pourrait être aussi omniscient, c'est-à-dire qu'il pourrait avoir les réponses et toutes les réponses à la réalité évolutive de la Terre, et c'est ce qui fait que l'homme devient dans sa conscience totalement impersonnel parce qu'il sait que ou ce qui doit arriver sur la Terre fait partie aussi de l'ensemble d'un processus d'évolution permettant au renversement des énergies astrales de la Terre par la conscience de l'homme, à savoir d'où il vient et ce qu'il doit faire dans la matière pour ne pas nourrir l'astral, car lorsque l'homme nourrit l'astral, qu'est-ce qu'il nourrit en fait? Il nourrit des impuissances, et ces impuissances viennent du mensonge cosmique parce qu'il ne le comprend pas et qu'il ne l'a pas encore assez intégré. Être une conscience prépersonnelle dans la matière, c'est aussi avoir une conscience continue, car une conscience continue est en mesure d'éduquer les plans parallèles de la vie qu'il vit. Et lorsque l'homme s'éduque et éduque les plans parallèles de la réalité qu'il vit, c'est-à-dire qu'il comprend très bien les pièces de théâtre qui sont orchestrées, et automatiquement, lorsqu'il les voit, il dit, il comprend telle réalité, ce qui fait en sorte que les plans de la lumière sont obligés de s'éduquer de ce qu'il devient, et c'est pour cela que l'homme peut s'habiter davantage sur les plans parallèles. Donc, une conscience prépersonnelle, c'est une conscience unique. C'est une conscience qui s'habite sur deux plans. Donc, dans l'invisible, l'homme connaît la source et l'intègre totalement, cette source, si bien que dans la matière, l'homme ne forme qu'une unité de conscience avec sa vie et les énergies qui le définissent, lui, pour qu'il soit davantage libre dans la vie et dans la matière de sa condition évolutive qui jadis était celle de réunir une fois pour toutes son âme à de l'esprit. La continuité de la conscience dans l'homme vient toujours de la capacité à étudier la vie sans que celle-ci s'astralise. Et lorsque l'homme peut étudier la vie sans que sa conscience s'astralise, cela veut dire qu'il est capable de se réinventer. Et du fait que l'homme peut se réinventer, c'est à ce moment qu'il fait une étude plus approfondie de ce que veut dire l'évolution, de ce que veut dire l'évolution et de ce que veut dire aussi une conscience prépersonnelle. L'évolution étant ceci, l'instabilité de l'ego à saisir que la vie dans la matière ne sera jamais intelligente s'il ne sait pas. Alors que l'évolution est la stabilité de l'ego à savoir que tout doit se savoir et tout se sait. En ce sens, le fait d'être prépersonnel dans ce savoir est ce qui permet l'inversion de l'évolution et c'est ce qui permet aussi à une conscience de devenir dans un grand centre de gravité plus total en énergie pour permettre la diffusion d'un aura dans la matière qui devient, elle, cosmique. Et cette aura qui est cosmique permet ceci. Elle permet d'éloigner l'astral et de l'éduquer, cet astral. Car si l'astral ne peut pas pénétrer l'homme, automatiquement, l'astral doit se faire éduquer par l'homme. Et c'est de cette façon que là, qu'une conscience prépersonnelle s'établit dans la matière et qui ensuite devient continue. Pourquoi est-ce qu'elle devient continue, cette conscience? La réalité est la suivante. Elle peut se dédoubler Et en se dédoublant, cela veut dire que lorsqu'elle étudie la vie, elle peut l'étudier au niveau de la matière et aussi l'étudier au niveau des plans, en lien avec ce que les plans ont à faire sur la Terre. Et ce que l'homme n'a pas à faire sur la Terre est assurément de s'occuper de l'évolution de celle-ci. Car l'évolution de la Terre revient non pas à la nécessité de l'homme en 2019 de changer les lois de la vie, puisque ces lois sont établies encore pour plusieurs siècles encore. Ce que l'homme peut simplement transposer dans la matière, parce qu'il a une conscience vibratoire, c'est ceci. Il peut y amener des nuances qui vont forcer la lumière à s'ajuster à sa réalité. Et la réalité de l'homme étant la suivante, c'est que dans une conscience continue, on ne peut pas le soustraire, cette conscience, on ne peut pas la soustraire à des énergies astrales qu'il ne peut pas comprendre. Et si bien que l'homme s'en vient à s'éduquer de l'astral d'une façon si grande, il comprend la mécanique totale du mensonge cosmique qui, elle, aura été d'engendrer sur la Terre des voiles pour que l'homme ne voie pas trop le soleil rapidement. Mais dans une conscience évolutive totale qui doit permettre à l'homme d'être une conscience continue et prépersonnelle, il y a ceci. L'homme a la capacité de dénoncer tous les mystères. Et qu'est-ce qu'un mystère? Un mystère, c'est la retenue d'informations, simplement. Comment se fait-il qu'il n'y a pas sur la Terre de conscience prépersonnelle ou de conscience continue? Que se passe-t-il avec l'homme généralement? Généralement, l'homme est astralisé et c'est cela qui lui empêche d'avoir une conscience continue. Il a certes une conscience, et cette conscience, plus elle est habitée par le double, va descendre dans les énergies de l'ego, de la centricité et enlever à l'ego aussi de la densité face aux mémoires d'âme. Mais généralement, lorsqu'une conscience n'est pas capable de s'habiter suffisamment, c'est-à-dire qu'elle n'est pas en présence du double assez longtemps, elle peut avoir des interfaces astrales qui l'amèneront à réaliser avec le temps que le mensonge cosmique est aussi de permettre au double d'utiliser les interfaces astrales pour amener cet ego à souffrir. Et lorsque l'homme comprend que les forces de la lumière avaient à faire souffrir une conscience pour la faire évoluer, et que l'homme s'amenait lui aussi à saisir que le principe évolution de la souffrance est celui-ci, d'amener l'ego à la saturation d'une forme et qu'il ne puisse plus la vivre parce qu'il la souffre trop, est ce qui devait forcer le rapprochement du contact télépathique avec l'individu. À ce moment, la conscience de l'individu à se tourner vers l'invisible pour avoir des réponses à sa vie est beaucoup plus grande et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, la présence de l'ego à vouloir se tourner vers sa source pour avoir des réponses devient beaucoup plus présente et c'est ce qui augmente aussi avec le temps l'aura de la conscience de l'ego, soit que la conscience de l'âme diminue et ce qui transperce la personne devient davantage prépersonnel, ce qui veut dire que l'intelligence prépersonnelle qui habite l'ego n'est plus colorée par de la personnalité ou de l'intellect. La dédensification de l'ego se fait progressivement, ce qui permet alors un rapprochement de la source. Et dans le rapprochement de la source, l'homme souffre définitivement moins, mais ce qui se passe, ce n'est pas qu'il souffre moins psychiquement, mais c'est qu'il souffre moins psychologiquement, parce qu'il comprend davantage sa vie. Souffrir psychologiquement se résumerait simplement à ne pas comprendre son expérience. Mais lorsque l'homme comprend que la souffrance qu'il vit doit le faire évoluer, il se rapproche d'une souffrance psychique. C'est-à-dire qu'il ne peut pas critiquer la lumière pour le faire souffrir, parce qu'au début, il ne sait pas que la souffrance qu'il vit a un point d'ancrage pour lui, soit de permettre davantage le désengagement de son ego face à la souffrance. Tant qu'un ego n'est pas désengagé de sa vie, il la prend personnelle, cette vie, et il ne peut pas se rapprocher de sa source. Le double cosmique a pour ici comme fonction d'assurer une continuité dans l'ego par la souffrance, soit que l'ego puisse, avec le temps, toujours se référer à sa source lorsqu'il y a quelque chose qui se passe. Cette continuité-là fait progresser dans l'ego son centre de gravité par rapport au fait que ce n'est pas lui qui pense et qu'il y a des pensées astrales qui peuvent venir le déjouer pour créer un théâtre d'illusions qui l'amènera encore à vivre de l'expérience d'âme pour que sa programmation s'actualise. Et dans l'actualisation de sa programmation, l'homme vit de la souffrance nécessairement et cette souffrance sert à un rapprochement éventuel de l'ego avec sa source. Pourquoi est-ce que l'homme n'a donc pas une conscience prépersonnelle? Au départ, c'est parce qu'il se réfère ou il se réfugie énormément encore dans de l'intellect ou des valeurs spirituelles pour donner à sa vie des valeurs réelles. Et les valeurs spirituelles viennent du fait que l'homme va souffrir dans son ego, mais il va aussi avoir besoin de donner à sa vie certaines valeurs qui ne sont pas nécessairement des valeurs d'évolution, mais des valeurs spirituelles, qui veulent dire simplement, qui voudra dire que l'ego pourra dire « Ah, il y a quelque chose de meilleur qui s'en vient ». Mais le quelque chose de meilleur ne le permet pas à l'ego de saisir ce qui se passe et d'être scient de sa vie, et c'est pour cela qu'on dit qu'une valeur est spirituelle. Mais lorsque l'ego sait qu'il ne peut pas se réfugier dans des façons de penser, et c'est à ce moment qu'il sait que la source doit l'instruire de ce qu'il vit et non lui permettre de se réfléchir. À ce moment, il y a une vibration froide qui commence à descendre dans l'ego et l'ego se désengage de la réponse. Et c'est pour ça que lorsque l'ego est prêt à entendre la réponse, de moins en moins de valeurs spirituelles il donnera à sa vie. C'est-à-dire que ce qui doit se passer dans son mental doit être altéré automatiquement par ce qu'il vit. Donc, ça veut dire que l'homme, dans la réponse, peut générer dans sa créativité de l'espace pour devenir plus prépersonnel dans sa relation avec l'invisible. C'est-à-dire qu'il comprend davantage les illusions de son ego à être désinformé par sa source. La source ne désinforme pas l'ego dès le départ, avec des valeurs très impersonnelles, car une valeur impersonnelle étant que l'homme ne souffre jamais quand il est scient. La source va plutôt dire à l'ego, « Vous vivez ceci en ce moment, et la raison pour laquelle vous vivez ceci, c'est possiblement que vous avez encore de la culpabilité ou encore du doute dans votre mental. » Pour que l'ego puisse arriver à des valeurs impersonnelles en lien avec la vie, la continuité de sa conscience doit être très grande à ce qu'il vit. Et cela ne se fait pas du jour au lendemain, puisque l'ego doit traiter d'abord avec sa source d'une façon froide. Une valeur impersonnelle étant toujours une valeur évolutive cosmique et universelle qui ne traite jamais avec l'ego d'une manière personnelle. C'est-à-dire que la valeur est universelle dans ce sens qu'elle s'établit à tous les hommes. Par exemple, si une conscience demandait à sa source ou aux forces de la lumière d'établir la réalité évolutive de l'homme présente, les forces de la lumière répondraient ceci. L'homme est présentement dans le passage de l'involution vers l'évolution. Et l'involution a eu comme finalité d'établir que l'homme doit souffrir pour passer de l'involution à l'évolution. La valeur impersonnelle étant que la souffrance est le moteur d'énergie qui pouvait simplement faire évoluer l'homme vers sa source. Et lorsque l'homme sera dans l'évolution, que se passera-t-il? Quelle sera donc la valeur universelle qui fera évoluer l'homme? C'est sa liberté de conscience et de créativité avec les plans parallèles, soit que l'unification parfaite de la conscience de l'homme sera sur deux plans et elle sera totalement dédoublée. Alors à ce moment, l'homme ne vit plus de souffrance, mais il ne vit que dans le rapport infini de sa source et de son contact avec l'invisible, à travers un ego totalement sien. Et c'est à ce moment que l'homme a une parole libre, pouvant permettre une liberté absolue de conscience qui le traverse, afin d'éclairer tous les mystères et de les faire tomber un à un. Ce n'est pas parce que l'homme commence à être dans le processus de l'évolution que les mystères seront totalement dévoilés dans sa totalité. Les lois d'énergie de la matière ne sont pas encore comprises par l'homme et l'atome et sa structure en lien avec l'explosion de la fusion de cet atome vers des dimensions cosmiques de créativité plus grandes que ce que l'homme connaît, sera totalement dévoilé en son temps. Mais il faut encore des consciences prépersonnelles sur la Terre pour pouvoir comprendre que le lien qui unit l'homme à sa source universelle, c'est-à-dire l'invisible, sera toujours la possibilité pour l'homme d'intercepter dans le rayon de la création de la liberté. C'est-à-dire que lorsque l'énergie ou les lois d'énergie descendront sur la Terre, dans le principe d'évolution, la valeur universelle de cette énergie sera d'établir la liberté de l'homme en tout temps. Mais avant que l'homme entre dans une conscience continue, revenons au processus de fusion avec cette conscience. L'ego découvre qu'il ne pense pas, l'ego découvre ensuite qu'il a une source, et l'ego découvre ensuite qu'il peut être désinformé par sa source, parce que cela doit générer de la souffrance. Et lorsque l'ego comprend que la programmation d'âme est totalement liée à des entités astrales, pour le faire souffrir, l'homme comprend davantage que les plans de la lumière ne le feront pas souffrir à des fins d'involution, mais à des fins de raffinement pour qu'il intègre une conscience continue et qu'il intègre son double. Le double sait très bien que l'homme doit intégrer sa source et que ce n'est pas lui qui s'intégrera à lui, mais c'est l'homme qui le forcera ou qui la forcera, cette source ou ce double, à se jumeler à sa conscience pour qu'il puisse devenir une conscience prépersonnelle. Dans le processus d'inversion des énergies du double, la conscience continue sera toujours celle pour l'homme de savoir que sa source ne peut pas lui mentir. Et lorsque l'homme comprend que sa source ne peut pas lui mentir, il la force à se dévoiler intégralement à lui. C'est-à-dire que l'homme comprend comment son contact télépathique fonctionne à travers ses sens et il comprend aussi comment cette source fait vibrer en lui de l'âme pour l'amener à être omniscient. L'omniscience de l'homme vient donc du fait que l'homme comprend cette réalité parfaitement et plus l'homme est capable d'étudier sa vie avec la volonté d'établir que sa source ne peut pas lui mentir, sa colère grandit et sa haine contre le mensonge aussi grandit. L'homme se rapproche par le fait même des réalités du mensonge cosmique pour mieux les comprendre et dans le mensonge cosmique, il comprend que s'il y a de l'orgueil dans son mental, il n'aura jamais les réponses et il ne pourra jamais devenir prépersonnel parce que l'orgueil sera toujours dans le mental de l'homme la diminution de son taux vibratoire parce qu'elle invite l'homme, la dimension de l'orgueil, à réfléchir et à penser que l'ego est plus grand qu'il se doit face à sa source. Et l'homme n'est jamais plus grand que la lumière, il est l'équivalent de la lumière. Et si un jour l'homme croit qu'il doit avoir toutes les réponses parce que cela fait partie du principe d'évolution de la conscience de l'homme. Cela peut aussi engendrer dans sa conscience un désengagement de sa capacité à découvrir s'il y a de l'orgueil dans son mental lorsqu'il traite avec sa source. La continuité de la conscience universelle de l'homme réside dans le fait que l'homme dévoile intégralement sa source à sa conscience. Il peut savoir comment sa source a travaillé à travers lui pour l'amener à se dépersonnaliser de sa vie et de sa déprogrammation totalement. En sachant que l'ego se dépersonnalise ou se déprogramme lui-même de sa vie d'âme, il est en apte, l'ego, à aussi intercepter la vibration de l'orgueil. Et lorsqu'il peut saisir que la vibration de l'orgueil est une réflexion astrale de sa source à l'intérieur même de sa conscience, parce qu'il ne comprend pas suffisamment que l'énergie du double doit se dédoubler et que cette énergie du double qui se dédouble en lui est une transposition de sa conscience qui habite les plans et qui aussi habite la matière pour être capable de respecter l'homme intégralement, l'homme comprend que l'orgueil se situe dans la matière au niveau de lui, à avoir intégré sa conscience, mais à ne pas être capable de respecter l'homme parce qu'il ne peut pas faire descendre le lien qui l'unit à son dédoublement, c'est-à-dire le principe de l'amour qui doit descendre dans ses corps pour que l'orgueil s'efface dans la matière de sa conscience et que l'homme puisse aimer l'homme avant d'aimer son contact ou sa source. Certes, l'homme, dans la continuité de sa vie vibratoire, va reconnaître que la source, c'est de l'intelligence, c'est du savoir, et ça ne se réfléchit pas. Et lorsque cette conscience se rapproche de lui, l'homme est de plus en plus prépersonnel, mais il ne doit pas oublier qu'il peut aussi se faire jouer dans sa tête par le fait que la source va toujours créer chez lui un dialogue de sourds. Dans ce sens que l'homme, s'il n'est pas capable de descendre cette source à l'horizontale, il ne peut pas avoir toutes les réponses. Et pour avoir toutes les réponses, l'homme doit développer énormément de haine contre ce que la source ne veut pas lui dévoiler. Et c'est un principe qui est totalement évolutif, soit d'avoir accordé à l'homme la puissance de son évolution, puisque toute évolution qui soit ne peut pas être dépendante absolument des forces de création. Le principe de la haine permet donc le rapprochement de la source pour l'unification parfaite de l'homme et c'est un feu vibratoire qui permet aussi le dédoublement. Est-ce que cela prend de la colère au début pour que l'homme réalise que sa source doit être à l'horizontale? Certainement. L'homme doit réaliser qu'il n'y a pas de continuité de conscience. Si l'homme ne le force pas, ce double à lui parler dans la vibration que lui souhaite se faire parler. Il y a souvent des consciences ou des personnes qui ont une conscience ou un contact avec le double et on peut voir que ce contact avec le double est toujours une réponse du double et non un lien ou un rapport de force entre l'homme et sa source. Comment cela s'observe-t-il? Cela s'observe de plusieurs façons, c'est que la source va émettre une information et l'homme, dans sa conscience, ne peut pas la questionner, l'information, parce qu'il ne peut pas encore établir un rapport de force avec le double. C'est-à-dire que si je pose la question au double sur le doute, qu'est-ce que le doute dans une conscience? La réponse qu'il me donnera, c'est qu'une personne se divise elle-même parce qu'elle a un manque de confiance en elle bien souvent. Donc, une conscience qui est prépersonnelle va investiguer davantage pourquoi est-ce que cette personne-là possède-t-elle un manque de confiance et va dire simplement à la source, est-ce que réellement le doute c'est un manque de confiance? Et le doute va devenir ceci dans la réponse. C'est une mémoire qui permet la division de l'ego et qui coupe le contact de l'homme avec sa source. Donc, intrinsèquement, c'est que l'homme qui vit du doute n'est pas suffisamment près de sa source? Et la réponse est totalement oui. Pour se soustraire donc du doute, l'ego doit avoir la force d'investiguer en totalité sa vie, car la confiance que l'ego a dans la matière représente ultimement que la personnalité de l'homme n'a jamais été capable de permettre le rapprochement de l'homme avec sa source. Dans une conscience prépersonnelle, la capacité de la continuité est importante, c'est-à-dire qu'une réponse ne doit pas s'arrêter à une réponse qui satisfait l'ego, mais doit élever le mental de l'homme à la vibration de sa lumière pour que son ego soit apte à vibrer davantage de lumière dans le processus de comprendre que de la matière, c'est toujours une forme d'assujettissement. Et lorsque l'homme comprend que la matière est une programmation d'âme permettant non pas l'élévation de l'homme à intégrer sa source sur d'autres plans, l'homme reste prisonnier dans la matière et il reste aussi prisonnier dans sa programmation. Par conséquent, le doute reste une valeur de confiance, c'est-à-dire que l'ego doit prendre confiance en lui et soit que l'individu doit avoir davantage conscience en lui pour intégrer dans son travail le fait peut-être qu'il n'a pas suffisamment confiance en lui. Mais ultimement, cela n'est que la première étape de l'intégration du doute, puisque l'intégration ultime du doute doit se faire en lien avec le plan parallèle, c'est-à-dire que l'homme doit être en mesure de questionner totalement sa source sur la provenance du doute en lui. Et à ce temps, il y a des mémoires qui feront surface dans l'interface du discours ou du dialogue que l'homme entreprendra avec sa source pour dévoiler la provenance et l'asservissement du doute de son ego à une conscience imparfaite. Pourquoi est-ce que l'homme doit donner à la vie de l'âme de l'importance lorsqu'un jour il sait que cette âme ne sera jamais pour lui une liberté complète? L'homme a donné de l'importance à l'âme parce qu'il voulait croire que l'âme pouvait avoir toutes les réponses. Mais lorsqu'il comprend que cette réalité est une réalité incomplète, le doute qu'il a face à sa vie diminue, car dans une conscience continue, l'homme doit remplacer et unifier l'énergie de l'âme à sa conscience de savoir que tout ce qu'il peut vibrer comme mémoire et comme pensée peut être assujetti à une forme de volonté qui n'est pas la sienne. Le doute provient de la volonté astrale d'une entité à faire réfléchir l'homme. Et c'est pour ça qu'une conscience continue, une conscience prépersonnelle, peut établir plus facilement qu'est-ce que c'est de l'astral, car de l'astral, c'est toujours une façon de faire réfléchir l'ego, alors que de la conscience, c'est d'amener l'ego à réaliser qu'il se réfléchit peut-être. Mais lorsque l'homme est omniscient et se produit ceci, il sait reconnaître la dimension astrale d'une réalité dans la matière et il sait reconnaître la dimension cosmique automatiquement dans une conscience. C'est-à-dire que si une personne dit ou parle une réalité, il peut saisir ce qui se cache derrière la réalité ou ce qui est vibratoire dans la réalité de ce qui est dit. Lorsque c'est vibratoire, l'homme sait que ce qui est dit provient de la source et l'unité de la conscience qui parle. Le verbe d'une parole plus simple provient nécessairement de la fusion du double avec cette conscience et d'une capacité de l'individu à se générer. La parole est une vibration et une conscience continue établit simplement que la parole n'est jamais colorée par de l'astral. L'intégration de cette réalité de la parole est ce qui permet à l'homme de devenir omniscient parce qu'il peut parler tous les mystères. Et en parlant tous les mystères, l'homme devient donc sa propre source. Il s'instruit lui-même de la réalité de la matière Et c'est pour ça que la continuité de sa conscience est ce qui l'amène à se dédoubler, parce que le discours de l'évolution de l'homme est beaucoup plus intéressant pour lui que le discours de l'âme qui doit évoluer vers sa source. Mais c'est dans le discours de l'évolution que l'homme aussi découvre la réalité où est la profondeur du mensonge cosmique et qu'il peut ensuite mieux parler dans la matière les réalités de l'âme parce qu'elles ne peuvent plus se cacher ces réalités de l'âme vers des mémoires ou une densification de la matière qui permet davantage à l'ego de se réfugier dans de la réflexion. Un exemple de ceci est le suivant. Si l'homme demande à sa source pourquoi l'homme doit souffrir, l'homme aura la réponse suivante, il doit souffrir pour évoluer. Mais si l'homme demande aux forces de l'âme pourquoi est-ce que l'âme ou pourquoi est-ce que l'ego doit souffrir, l'âme va dire simplement, ou les forces astrales ou une entité astrale serviront donc à l'âme ou à l'ego cette réponse qui est la suivante. L'ego souffre parce qu'il n'est pas assez près de sa lumière. Mais quelle est cette lumière? Cette lumière étant la réflexion des autres entités du plan de la mort qui auront la capacité de faire vibrer dans l'homme la possibilité qu'il y a toujours de l'espoir à sa vie. Et c'est cet espoir, finalement, qui a servi toutes les religions, soit d'amener dans l'homme la possibilité de vibrer la souffrance d'une façon à ce que lui s'unifie à quelque chose de plus grand que lui qui soit au-dessus de sa tête pour tout simplement l'empêcher de sombrer vers la folie. C'est pour ça que l'homme a toujours prié et ou encore qu'il demande à l'invisible de lui venir en aide, alors qu'en fait, la souffrance, lorsqu'elle est comprise dans un principe d'évolution, n'amène pas l'homme à se réfléchir, mais amène l'homme à avoir les gants de boxe pour faire descendre de l'information, au lieu de s'assujettir simplement à des paroles ou à une prière pour que de l'espoir ou qu'une entité se greffe à lui pour lui servir « Ah, ta vie va s'améliorer ». Il faut simplement que tu ne perdes pas confiance et que tu ne doutes pas de toi. Mais lorsque cela se produit, il y a aussi une entité qui peut se greffer à la conscience de l'homme et cette entité est astrale. Et c'est pour ça que la philosophie et la psychologie évolutive doivent être remplacées par une psychologie évolutionnaire qui permet ceci à l'homme de comprendre le principe vibratoire de la souffrance au niveau universel et non au niveau karmique ou expérimental de l'âme pour que celui-ci évolue. Pour faire évoluer l'ego, il n'y a rien d'autre que de la souffrance psychique, parce que de la souffrance psychologique, c'est une façon de rapprocher l'homme à de la spiritualité et à lui donner des valeurs philosophiques pour qu'il puisse penser que l'invisible sera là pour l'aider, alors que dans la souffrance vibratoire ou psychique, l'homme réalise qu'il souffre parce qu'il doit dévoiler les mystères ou s'unifier à sa source et pour que celle-ci lui réponde parfaitement. Dans la continuité de la conscience de l'homme, il y a cette compréhension absolue de l'homme, que ce n'est pas l'esprit qui souffre en lui, mais bien l'ego. Et lorsque l'ego souffre, il ne peut pas se tourner vers des valeurs spirituelles. S'il s'agit d'une souffrance vibratoire et psychique, alors que lorsque l'ego souffre dans une conscience psychologique, il pourra donner la valeur suivante à la souffrance, c'est que, ah, il y a quelque chose de mieux qui s'en vient. Mais ce quelque chose de mieux qui s'en vient n'est pas nécessairement réel, car c'est une entité qui va donner cette réponse, alors qu'un homme qui se fait dire cela par sa source, il y a quelque chose de mieux qui s'en vient, l'homme va tout simplement se mettre en colère et dire « J'aimerais bien savoir ce que vous dites. » Au lieu de me dire qu'il y a quelque chose de mieux qui s'en vient, vous devriez plutôt m'expliquer intégralement ce que je viens de vivre. Car le mieux qui s'en vient, ça ne sert pas à ma conscience et ça ne sert pas à ma liberté. C'est de cette façon que l'homme parlera demain, parce qu'il saura que la source ne peut pas le désinformer. Et quand l'homme sait que la source ne peut pas le désinformer, c'est ce qui rapproche la source de son ego. Et la source doit se plier à la volonté de l'homme, qui est la suivante, qu'ultimement l'homme est sa source et qu'il doit tout savoir aussi sur la vie et sur les mystères de celle-ci. Et c'est pour cela qu'on dit que l'homme, dans ce processus, en vient à avoir une conscience continue, soit que sa source s'intègre à sa vibration. Est-ce que l'homme a une conscience prépersonnelle? Pour autant, lorsque il y a un début de conscience continue, la réponse est non. La conscience prépersonnelle vient du fait que l'homme connaît la réalité de son contact avec sa source et connaît aussi la réalité de son contact avec les plans parallèles en lien avec l'évolution systémique de l'homme dans la matière. Il y a ces deux réalités parfaites qui se réunissent dans sa conscience à la dimension que l'homme est un créateur et qu'il est universel dans la capacité de gérer sa vie parfaitement. Parce que la capacité pour l'homme de faire descendre les lois d'énergie dans la matière ne lui seront pas permises encore pour plusieurs années. Donc, s'empêche-t-il donc d'être créateur et d'être prépersonnel dans sa source et dans son contact avec l'invisible? La réponse est totalement non, parce qu'il peut être créateur dans sa parole en lien avec ce qu'il peut dire pour permettre aux hommes d'intégrer plus rapidement leur conscience continue et de faire descendre dans leur conscience le double pour qu'ils s'unifient à leur propre source, soit la conscience de l'ego, et faire disparaître la programmation d'âme. Le rôle de l'initié est le suivant, c'est qu'il est dédoublé et que dans son dédoublement, il lui est permis, par le lien de sa proximité avec les plans parallèles et la lumière, d'avoir un dialogue parfait, donc une communication qui ne permet pas à l'ego de se soustraire de la vitalité vibratoire, que tout ce qui est universel doit aussi être intelligent. Et quand tout est universel et que tout est intelligent, l'homme comprend qu'il est un créateur de la gestion des pensées totales qui entrent dans sa tête, parce que cela est un absolu de conscience avec sa lumière. Pour le moment, est-ce qu'un ego qui est dans la matière, qui ne s'intéresse pas à l'homme, même s'il a une conscience continue et qu'il est un être prépersonnel, s'il ne s'intéresse pas à la conscience de l'homme dans son développement, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il ne comprend peut-être pas parfaitement le rôle qu'il a à jouer dans la matière et sur les plans en lien avec le devenir de la conscience supramentale de l'homme pour qu'il établisse lui-même la liberté suivante. C'est que les libertés de l'homme sont connues et qu'ils doivent être expliqués à l'homme. Est-ce que l'homme, donc, dans ses libertés d'aujourd'hui, peut manipuler les lois d'énergie? Est-ce qu'il peut guérir l'homme? La réponse est non, parce que les libertés de l'homme, pour le moment, sont d'avoir la capacité de parler la parole dans sa vie et que cette parole devienne omnisciente et aussi universelle. Comment l'homme peut-il établir que cette parole est omnisciente et universelle dans le fait qu'il ne fait pas ou ne se fait pas raconter de mensonges? Une personne qui ne s'intéresse pas à l'homme, donc qui a une conscience continue, qui est prépersonnelle, ne s'intéresse pas à l'homme, n'a pas une conscience prépersonnelle, une conscience continue, car dans sa parole, il n'y a pas cette continuité de l'universalité qui est un lien avec l'infinité parfaite des univers parallèles, en lien avec ce que veut dire de la réflexion. Et pour l'homme qui a une conscience continue et une conscience prépersonnelle, il peut voir que dans le mensonge cosmique, il y aura toujours la volonté de l'homme à se réfléchir pour se prendre ou se croire supérieur aux hommes. Et donc, ceci remplace le rayonnement de l'amour qui peut vibrer en lui. Et c'est pour cela que les forces de la lumière savent que si l'homme n'aime pas l'homme, il y a toujours dans son mental de l'orgueil qui l'empêche de comprendre parfaitement ceux qui se placent par vibration devant lui et d'identifier qu'est-ce que de l'astral chez une personne et d'identifier aussi pourquoi une conscience, même si elle est astralisée, a quand même un principe lumière qui un jour la fera vibrer à une conscience continue. L'homme qui est conscient peut savoir parfaitement qui le rencontre dans la vibration de ce que l'autre émet. Il peut voir le degré ou la profondeur de l'intelligence parce qu'il est en mesure de voir l'astralité qui peut se loger derrière la parole d'une personne ou de la manière dont le double fonctionne pour que celui-ci fasse évoluer une conscience. C'est donc dire qu'une conscience continue et prépersonnelle peut investiguer le lien et le contact télépathique d'une personne avec son double parce que celui-ci n'est pas parfaitement inconnu de l'homme conscient et omniconscient parce que l'homme, dans l'universalité du dédoublement sur les plans parallèles, peut avoir accès à la conscience de tous les doubles qui gravitent pour s'unifier à la conscience d'une personne dans la matière. Pourquoi cela se passe-t-il ainsi? Cela se passe de cette façon parce que l'homme, dans le rayon parfait de l'amour, n'a plus aucune réflexion pouvant l'amener à croire que l'homme qu'il a devant lui n'est peut-être pas si intelligent qu'il se doit. L'homme, donc, est dans la reconnaissance parfaite de l'autre, et en étant dans la reconnaissance parfaite de l'autre, c'est cela qui établit la force cosmique de sa puissance à rayonner, non pas pour lui-même, mais à rayonner simplement, et du fait qu'il rayonne, il peut voir dans son champ parfait d'énergie la conscience de l'autre qui est habitée par des réalités que lui n'a pas à vibrer, mais qu'il peut comprendre et tout simplement les élever en vibration s'il doit le faire. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que l'homme qui a accès à une conscience double a accès à toutes les réalités, car la voyance qu'il a sur la vie n'est pas une voyance astrale. Comment faire la différence entre une voyance cosmique et une voyance astrale? La voyance astrale a pour objet de cacher à l'homme des réalités. Elle a pour but de grandir l'ego et non de grandir l'homme. Incidemment, une voyance qui est totalement ajustée à la dimension universelle de l'être est ce qui permet à l'ego de se désengager de formes dans lesquelles il ne peut pas se désengager car il n'y a pas dans son taux vibratoire suffisamment de conscience pour en arriver à se désengager. C'est comme si une personne demandait à une autre personne « Qu'est-ce que ton double dit par rapport à telle réalité? » Et la personne utilisait son contact télépathique pour dire ceci. Et si cela ne change pas la réalité de l'autre sur le tas, peut-être que la réalité de ce qui est dit est simplement un test pour la personne pour l'amener à voir s'il y a de la croyance dans ce qu'elle l'autre lui a dit parce qu'elle lui donne de l'importance. Alors que lorsqu'une vibration descend à travers le contact télépathique de l'homme dans une conscience continue et prépersonnelle, et lorsque l'homme dit quelque chose à quelqu'un, il y a instantanément de l'éclaircissement qui se produit parce que l'homme vibratoirement doit intégrer la réponse dans ses corps. Et c'est pour ça que l'homme est en changement vibratoire et que l'homme peut ensuite avoir accès davantage à sa source et son double. Et c'est comme ça que la vibration de l'homme augmente. C'est que lorsque l'homme est mis en contact vibratoire avec une parole qui est vibratoire, cela élève les cellules de son mental. Et lorsque la réponse ou à une situation vient pour expliquer une réalité est mise en contact, il y a un tremplin exponentiel qui se fait, soit que les cellules explosent en lumière, et c'est ce qui permet à la personne de changer son statut vibratoire face à elle-même en lien avec son double. Plus une personne gravite autour de la conscience supramentale, cela veut dire qu'elle est capable de l'absorber. Donc, la nuance est la suivante. Est-ce qu'une personne qui écoute des conférences ou des enregistrements sur la conscience supramentale va nécessairement se rapprocher de sa source? La réponse est oui. Mais cela ne veut pas dire que la personne ne s'astralise pas. Cela veut simplement dire que si la personne est apte à écouter une réalité et qu'elle peut l'écouter simplement pour relaxer son mental, non pas dans le but de comprendre, mais simplement d'être exposée à une parole, c'est cela qui va lui permettre à cette personne de relaxer. En relaxant, elle peut saisir des nuances de la vie où elle-même, dans la vibration, se fait jouer. C'est-à-dire que sa voyance est mise en contact avec sa propre vie et non pas en lien avec ce qu'elle doit savoir pour simplement s'astraliser davantage. Et c'est pour cela que des personnes sont mises en contact avec du matériel et qu'ils peuvent par la suite assister à une conférence ou lire un livre qui permettra ultimement de leur donner la mesure vibratoire de ce qu'ils sont en lien avec ce qu'on veut dire de la conscience supramentale ou une conscience continue. Il y a des gens qui vont peut-être écouter énormément des audios pour élever leur taux vibratoire avec le temps. Et cela, c'est ce qui permet, avec le temps, de savoir que tout ce qui doit être compris par l'homme n'est pas un effort de l'ego, mais simplement une vibration. Plus l'homme se rapproche d'une vibration, plus le triangle parfait entre sa volonté, son intelligence et sa source se raffirme, et c'est pour cela que la source se rapproche de l'ego. Est-ce que la parole vibratoire permet l'intégration de l'ego à sa source? Non. La parole vibratoire met en vibration l'ego et la source de l'homme. Et ce qui se produit, c'est un rapprochement automatique, parce que l'astral ne peut pas être ou s'interposer dans cette vibration. Et c'est pour cela que la source est obligée de se rapprocher, parce que le taux vibratoire de l'ego augmente. La source se rapproche, et dans ce rapprochement, l'homme va exiger, dans une conscience parfaite, que l'ego en vienne à parler à sa source, parce que ce n'est pas nécessairement la source qui va parler à l'homme, mais c'est bien l'homme qui, dans son ego, va forcer la source à lui parler. Et pourquoi est-ce qu'une conscience continue, une conscience prépersonnelle, n'a pas besoin de forcer sa source à lui parler? C'est parce qu'il l'a déjà intégrée. À ce moment, le contact et le dédoublement permet à l'homme de converser et de dialoguer avec l'invisible à un niveau de perfectionnement qui élargit la compréhension de l'homme des univers parallèles pour que l'homme possède dans sa voyance plus de liberté dans la matière. C'est-à-dire que l'homme a déjà dans sa conscience la liberté d'être bien dans sa vie tout le temps, certainement, puisqu'il peut vibrer à une échelle vibratoire et cosmique une dimension de l'infinité qui est la suivante. C'est que le triangle entre la volonté, son intelligence et la capacité d'aimer l'homme est toujours omniscient dans lui, ce qui fait qu'il peut, dans sa parole, émettre dans la matière de la création. Qu'est-ce que cette création? C'est de ramener l'homme à la compréhension parfaite que dans la souffrance, c'est totalement évolutif à la mesure que l'homme peut comprendre que lorsqu'il est totalement scient, il ne souffre plus. Quand l'homme est scient du fait que la souffrance a été développée pour créer dans l'homme de la dualité, c'est-à-dire qu'il y a du doute, de la culpabilité ou autre forme d'astralité qui pénètre alors l'ego pour l'amener à se réfléchir, l'homme comprend aussi que ce processus d'involution en lien avec la création de l'âme était nécessaire, car l'âme a toujours voulu être sa source, alors qu'en fait, l'âme n'est que de la mémoire. Du moment qu'elle a quitté sa source, c'est-à-dire sa contrepartie cosmique, elle s'est donnée l'intelligence de croire qu'elle pouvait avoir toutes les réponses, et cela était faux. Et cela fait partie du mensonge cosmique, car les morts qui ont à être éduqués par l'homme de la réalité de la souffrance verront qu'eux-mêmes souffrent énormément, même s'ils sont dans une lumière beaucoup plus grande sur les hauts plans de la mort que celle sur les plans inférieurs. La continuité, donc, en conclusion du contact télépathique de l'homme avec sa source, est une dimension prépersonnelle qui permet à l'homme de se dédoubler, c'est-à-dire de s'habiter dans la lumière et dans sa conscience de la vie si parfaitement que la matière n'est plus pour lui un mystère et qu'il ne la souffre plus jamais, cette matière, car il n'y a plus entre lui et les plans universels de décalage. Le décalage pouvant simplement être le temps, c'est-à-dire que dans la voyance d'un homme, à savoir qu'il fera telle réalité, il peut aussi y avoir quelquefois des décalages entre le temps de cette réalité et ce que lui veut faire en tant que conscience dans la matière. Les forces de la lumière savent très bien que lorsque l'homme a épuré dans sa conscience le vide, c'est-à-dire qu'il ne vit plus le vide en lien avec le temps, mais qu'il vit simplement sa conscience prépersonnelle d'une façon continue, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de vide. C'est-à-dire qu'il sait et il connaît le temps de réalisation de toute réalité parce qu'il est dans sa conscience, très près de lui-même et qu'il vit simplement sa vie au niveau d'une journée à la fois. C'est ainsi qu'il n'a pas à voir ce qu'il doit faire dans le temps pour le réfléchir, mais qu'il voit ce qu'il a à faire dans le temps pour en saisir la vibration et que cette vibration-là puisse aussi le rapprocher de sa propre unicité de conscience avec la lumière. C'est-à-dire qu'un être n'est jamais mortel dans cette conscience, car l'immortalité d'être dans le feu vibratoire de ce qu'il sait et ce qu'il fera demain est un mouvement de créativité absolue, puisqu'il n'y a pas de décalage entre lui et ce qu'il est demain. C'est ce que l'homme, ou c'est ce que les plans de la lumière appellent le rapprochement de l'homme vers le principe de son immortalité, puisque l'homme n'a pas à mourir en conscience dans la matière un jour. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne le fera pas encore pour quelques années, car s'il s'immortaliserait instantanément dans la matière, sur le tas, cela aurait pour effet d'être une accélération progressive, non pas de sa créativité, mais de la réflexion, de l'orgueil en lui, car il n'est pas capable de saisir le temps de cette réalité. Et le temps de cette réalité-là n'est pas caché à l'homme, mais il est bien clair que ce temps d'immortalité de la conscience de l'homme, c'est-à-dire que lorsque l'homme deviendra un éternel, c'est parce que les plans de la lumière seront totalement descendus sur la terre, afin que l'homme soit éternel et qu'il s'immortalise en conscience d'une façon absolue, c'est-à-dire que pour le moment, si l'homme était immortel, cela créerait énormément de confusion et ralentirait le processus de l'intégration de l'homme avec sa source, parce que l'homme croirait finalement qu'il y a des gens plus intelligents que lui, et cela ne doit jamais se produire, car l'homme qui est conscient, qui est omniscient et qui est prépersonnel et qui est totalement dédoublé, ne fera jamais sentir à l'homme que lui-même, cet homme, n'est pas intelligent. Tout homme qui vient en contact avec une conscience universelle s'apercevra que dans l'intelligence, ça ne se réfléchit pas et que ça se vibre. Et pour que l'intelligence se vibre à un même diapason de conscience, il faut que les hommes s'intéressent à l'homme et que les individus échangent et qu'il y ait une communication entre eux. Non pas pour se justifier, mais pour que chacun se reconnaisse et que chacun puisse dire « Ah! » Cette conscience universelle-là m'a permis d'être ceci. Et lorsque des jours suivent et que la personne retourne dans sa vie personnelle, elle peut aussi saisir vibratoirement que son aura a peut-être changé en lien avec le fait qu'elle a été mise en contact avec une autre conscience. Et ce principe est important car dans l'homme, il y a énormément d'orgueil et l'homme doit toujours être confronté à la capacité de savoir s'il y a d'orgueil dans lui, car c'est cela qui lui empêche principalement d'avoir dans sa conscience de la continuité, de la fluidité pour devenir impersonnel et prépersonnel en vibration, afin d'éduquer l'homme et d'éduquer les plans de la lumière, que l'homme est un être totalement solaire lorsque scient est totalement intelligent de l'intégration, de sa fusion à des univers parfaits d'intelligence qui sont ces univers immortels sur les plans. Et c'est pour cela que l'homme doit se dédoubler, car il sait qu'il ne peut pas être immortel dans la matière, donc il ne peut qu'être immortel en conscience absolue sur les plans et avoir une voyance absolue des mystères et de ce qui doit se produire dans les années à venir pour simplement ne pas vivre l'inconfort d'être mortel dans la matière, même s'il ne l'est pas, mais qu'il va mourir probablement comme tout le monde mais que le processus de fusion dans sa conscience et d'immortalité se passera dans la mort. Et cela doit se faire et se fera, car c'est ainsi que l'homme grandira dans son universalité de conscience pour ne plus jamais souffrir de sa source. Un homme qui ne souffre plus de sa source ou qui ne souffre plus de la vie peut parfois souffrir psychiquement des réalités de la matière, car les réalités de la matière ne lui permettent pas instantanément de faire redescendre des réalités qui lui permettraient conjointement d'être totalement libre de la matière. Les lois de la matière sont encore présentes, car il n'y a pas sur la Terre suffisamment de sources de lumière pour que la Terre s'élève en vibration. Et lorsque la Terre ne peut pas se lever en vibration encore, cela permet à l'astral d'imposer ses réalités. Et dans l'insensibilité des hommes, il y a cette non-reconnaissance que la lumière va descendre un jour sur la Terre, non pas parce que lui le veut, mais parce qu'elle le doit, cette lumière. Et ce n'est pas à l'homme de réfléchir cette réalité, mais c'est à l'homme de le savoir.